Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vais partager avec vous une petite exhortation. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'il y a la paix et la joie dans votre cœur. Frère, dans le livre de 2 Rois, au chapitre 6, au verset 8, le peuple d'Israël est attaqué par la Syrie. Le roi de Syrie a envoyé l'armée syrienne qui a presque encerclé Israël. Je suis là dans 2 Rois, chapitre 6, au verset 8. À cette époque, Israël avait un prophète du nom de Élisée. Et ce Élisée avait un serviteur, quelqu'un qui était à son service. Quand le serviteur d'Élisée, en regardant, voit l'armée syrienne qui est en train d'encercler Israël, le gars est paniqué. C'est la panique. Il commence à trembler. Mon Dieu, on est perdu. Ils sont nombreux. Et il dit à Élisée, homme de Dieu, on est fini. L'armée, regarde l'armée syrienne. Le gars était paniqué, la peur. Il tremblait. Élisée lui dit, écoute, Élisée, c'était un homme de foi. Ne t'inquiète pas. C'est rien ça. L'Éternel est avec nous. Mais le gars paniquait. Et vous allez voir, la Bible dit, Élisée va invoquer Dieu. Oh Dieu! Élisée, lui, ne paniquait pas. Parce qu'il savait ce dont Dieu est capable. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Parce que le gars tremblait. C'est alors que Dieu exauce la prière d'Élisée. Et Dieu ouvre les yeux du serviteur d'Élisée. Il a dit, oh, gloire à Dieu, ceux qui sont avec nous. Je vois les chars d'Israël. Je vois les chars d'Israël. Avec une armée puissante. Alors, le gars a eu la joie. C'était quelqu'un qui ne voyait pas ce qu'Élisée, lui, y voyait. Parce qu'un homme de foi voit au-delà du naturel. Pourquoi je parle de ça, mes frères, mes sœurs? Parce que nous avons, chacun de nous, les membres de nos familles, ou parmi nos amis et connaissances, certaines personnes, des croyants, mais des croyants qui te diront, je suis protestant, je suis catholique, moi je suis témoin de Jéhovah, moi je suis de l'église céleste, moi je suis mormon, moi je suis ceci, je suis cela. Et vous allez remarquer, frère, que lorsqu'on leur dit, il est important à un croyant de naître de nouveau, de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, ils vont te dire, ah non, moi je suis catholique, hein. Moi vos religions là, moi je ne change pas de religion. C'est-à-dire, ils croient, lorsque vous parlez à un religieux, lorsque vous lui parlez de Jésus, dans sa tête, il croit qu'on lui demande de changer de religion. Je vous dis, frère, comme vous le savez, qu'il n'y a sur terre aucune religion créée par Dieu. Aucune religion. Lorsque Jésus, le Fils de Dieu, est envoyé, c'était pour venir nous dire, les yeux dans les yeux, écoutez, la Bible, tous les prophètes vous ont parlé de la venue d'un Messie. C'est dans votre Bible là. C'est moi, ce Messie-là. C'est moi. C'est moi le Messie. Tous les prophètes ont parlé de lui. Je suis ce Messie-là. Je suis venu, le Père m'a envoyé. Parce que le Père vous aime. C'est moi, à cause de vos péchés, qui sera à la croix pour vous. Je vais donner ma vie pour que vous, vous ayez la vie. À cause de vos péchés. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je voudrais vous dire que nulle personne ne peut aller au Père, personne ne peut aller à Dieu autrement que par moi. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin. Je suis la vérité. C'est moi le Messie. Parler des prophètes. Les prophètes nous ont dit qu'un Messie devait venir. Le sauveur d'Israël. Je le suis. Jésus ne parle pas d'une religion. Jésus parle de la bonne nouvelle. Du royaume de Dieu. Jésus laisse le message de Dieu sur terre. Et les hommes, chacun a créé un courant. Je crée un courant, ça va s'appeler catholique. L'autre crée un courant, ça va s'appeler église céleste. L'autre crée un courant. C'est comme ça qu'est née les religions. Jésus n'a jamais parlé d'une religion. Toutes les religions de la terre ont été créées par des hommes. Et quand vous parlez de Jésus à un religieux, Satan lui met dans la tête qu'il a envie, il est en train de te demander de changer de religion. Non! Aucune religion ne peut sauver qui que ce soit. Nous ne sommes pas sauvés par une religion. Nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus à la croix. Pas par une religion. Bien-aimés, mes frères, mes sœurs, je vais lire un passage que vous connaissez dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Lisez tout le chapitre 8 de l'évangile de Jean. C'est très important. Jésus va échanger avec des juifs. Et dans ces juifs, il y avait des pharisiens et autres, des gens qui connaissaient la Bible. C'était des pratiquants d'une religion, le judaïsme. Cette religion existe encore aujourd'hui en Israël. Dans cette religion, on croit à la Bible. Comme toi le catholique, tu crois à la Bible. Comme toi le témoin de Jéhovah, tu crois à la Bible. Comme toi le protestant, tu crois à la Bible. Le christianisme céleste, tu crois que la Bible est la parole de Dieu. Les pratiquants du judaïsme aussi croient que la Bible est la parole de Dieu. Ils lisent la Bible comme toi. Ces personnes-là discutent avec Jésus. Le Messie est devant des croyants. Ces gens croyaient en Dieu. Ils croyaient au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils croyaient. Ce n'étaient pas des athées. C'étaient des croyants. Ils pratiquaient leur religion, fidèlement leur religion. Mais en face d'eux se trouve le Fils de Dieu. Jésus parle avec des religieux du judaïsme. Des gens qui croient à la Bible. Et ces personnes vont dire à Jésus, tu sais, notre père c'est Abraham, nous sommes la descendance d'Abraham, Abraham est notre père. Évangile de Jean au chapitre 8, Jésus dit non. Si vraiment vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Or, quand je vous regarde, vous êtes très loin d'Abraham. Et si vous étiez vraiment les enfants d'Abraham, pourquoi vous cherchez à me tuer? Vous voulez ma mort. Vous voulez ma mort pourquoi? Si vous êtes des enfants d'Abraham. Vous êtes les enfants du diable. Non, Jésus. Nous sommes des croyants. Nous sommes des enfants de Dieu. Lisez l'évangile de Jean au chapitre 8. Nous sommes enfants de Dieu. Ils ont dit à Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des croyants. Nous croyons à la Bible. Nous croyons en Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Jésus dit non. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Combien de fois des hommes sont trompés par les religions? Combien de fois beaucoup de religieux croient qu'ils sont enfants de Dieu? Parce qu'ils croient en Dieu, parce qu'ils lisent la Bible. On peut croire en Dieu, lire la Bible, sans être enfant de Dieu. Ces juifs-là croyaient à la Bible comme toi. Ils priaient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob comme toi. Ils croyaient en Dieu. Ce n'étaient pas des athées, c'était des religieux qui adoraient Dieu, qui donnaient des offrandes. Ils allaient au temple, comme toi tu vas à l'église tous les dimanches. Ils n'étaient pas enfants de Dieu. Ce n'est pas un homme qui leur dit cela, c'est Jésus, la lumière du monde. Satan a réussi à tromper les gens, en faisant croire aux gens que parce que tu es fidèle à une religion, tu es enfant de Dieu. C'est le mensonge du diable. Jésus ne parle pas là avec des païens ou des athées. Jésus parle avec des croyants. beaucoup croient qu'ils sont enfants de Dieu parce qu'ils appartiennent à des religions. Non! Ce n'est pas parce que tu es dans une religion. Ce n'est pas parce que tu es baptisé, confirmé. Ce n'est pas parce que tu pries la Vierge Marie. Ce n'est pas parce que tu vas tout le temps à la messe. Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Tu es religieux, oui, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Tu crois à la Bible comme ces juifs-là. Tu pries Dieu comme ces juifs-là. Tu vas à la messe tous les dimanches. Ces gens-là aussi allaient au temple. Aller prier, adorer Dieu, donner des offrandes. Eux croyaient qu'ils étaient enfants de Dieu. Comme toi aussi, tu crois que tu es enfant de Dieu. Puisqu'ils ont dit à Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Mais ces gens n'ont jamais vu Dieu. Mais pourquoi ils disaient cela? C'est parce qu'ils sont fidèles à leur religion. C'est parce qu'ils lisent la Bible comme toi. Ils vont à la messe comme toi. Ils allaient au temple, c'est la même chose. Vous partez adorer Dieu. Toi aussi, tu vas dimanche adorer Dieu. Mais Jésus dit à ces gens, oui, vous pratiquez votre religion, je ne dis pas le contraire. Oui, vous croyez en Dieu, je ne dis pas le contraire. Mais moi, qui ai la lumière du monde, je vous dis que vous êtes à côté de la plaque. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi lorsqu'on parle de Jésus à qui que ce soit, les gens croient qu'on leur demande de changer de religion. Non, c'est pas ça. Et beaucoup croient qu'ils sont enfants de Dieu parce qu'ils ont été baptisés. La Bible déclare dans 1 Pierre au chapitre 3 que le baptême, au verset 21, le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Le baptême d'eau là. Quand tu vas voir le pasteur, je veux être baptisé. Tu vas voir le prêtre, je veux le baptême. C'est un engagement. C'est ce que la Bible dit, 1 Pierre chapitre 3. Celui qui veut le baptême, c'est quelqu'un qui a réfléchi et qui décide de s'engager pour suivre Dieu. C'est un engagement. Un baptême n'est qu'un engagement. Un baptême ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Le baptême, c'est un engagement. Vous comprenez maintenant pourquoi, quand on amène un bébé pour le baptême, ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Parce qu'un bébé s'engage à quoi? Il n'est même pas conscient. Parce que le baptême, c'est un engagement. Les gens qui allaient trouver Jean-Baptiste dans le Jourdain pour le baptême, c'était des adultes. C'était des gens qui avaient décidé de suivre le Seigneur. La Bible dit qu'un baptême n'est qu'un simple engagement. Un baptême ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu. C'est un engagement comme celui, le chômeur qui est au quartier là. Il a entendu que l'armée recrute. Et puis il va au recrutement. Il s'engage à servir son pays dans l'armée. C'est un engagement. Le baptême, c'est un engagement. Le baptême, c'est quelqu'un qui dit, je m'engage à suivre le Seigneur. Je m'engage à servir Dieu. C'est un engagement. Un baptême n'est qu'un engagement. Mais on peut s'engager à quelque chose et après laisser tomber. Ce n'est qu'un engagement. Ce n'est pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est l'engagement. Vous comprenez que lorsqu'on amène un bébé, ça n'a aucune valeur. C'est pourquoi on vous dit le baptême des bébés n'a aucune valeur. Parce que le bébé s'engage à quoi? Il n'est même pas conscient. Vous savez très bien que le salut, ce n'est pas une affaire de famille. Le salut est personnel. Quand tu vas mourir, tu seras devant Dieu, tu ne seras pas là avec tes enfants, tu seras seul. Parce qu'un jour, seul, tu es sorti du ventre de ta mère, seul, tu seras dans ton cercueil. Tu ne seras pas, vous ne serez pas avec tes bébés dans le cercueil. Seul. C'est pourquoi il faut permettre aux enfants de grandir, qu'ils arrivent à un âge où ils peuvent prendre un engagement. Ce n'est pas la peine d'amener un bébé. Le bébé s'engage à quoi? Il ne sait même pas ce qui se fait. Bien-aimés, mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu est la vérité. Je vais lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Vous pouvez commencer à partir du verset 1. Vous connaissez l'histoire. Un monsieur du nom de Nicodème. Cet homme a fait la théologie. Il était docteur. Il connaissait la parole de Dieu. Ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas un athée. Ce n'était pas un villageois là-bas, assis au fin fond du village. Docteur Nicodème. Alors, il décide d'aller s'entretenir avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Nicodème dit, bon, comme parmi les pharisiens et d'autres docteurs de la loi, personne ne croit à ce Jésus-là. Si je m'en vais la journée, si le monde me voit, si les gens me voient, qu'est-ce qu'ils vont penser? Je préfère attendre la nuit pour aller le voir. Je sais là où il habite, j'irai là-bas la nuit. Il ne voulait pas qu'on le voie. Parce que les gens allaient dire, même le grand Nicodème est venu le voir. Alors, il a préféré venir la nuit. Quand il vient à la porte, Jésus-Christ ouvre. C'est Nicodème. Écoute, mais personne, je suis touché par quelque chose. Personne ne peut vraiment faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Personne. Les miracles que tu fais là, on ne peut pas les faire si Dieu n'est pas avec cette personne-là. Regardez la réponse de Jésus. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Je bénis le Seigneur, j'aime la façon de parler de Jésus. Il est direct, Jésus va à l'essentiel. Il ne tourne pas en rond. À l'essentiel. Il ne dit pas, tu sais, Esaïe a dit, on va lire dans Jérémie, la Bible dit ça, dans Actes des Apôtres. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème est religieux. Nicodème connaît la Bible. Il appartient à une religion. Il connaît la théologie. Il est docteur. Il appartient à une religion. Il croit au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas un athée, c'est un croyant. Mais Jésus voit tout de suite ce qui manque à Nicodème. La nouvelle naissance. Et Jésus lui dit, Nicodème, ne t'étonne pas si je te le dis. Ne t'étonne pas. Je suis la vérité. Mais je te fais savoir que si un homme sur terre ici, de nez d'eau et d'esprit, il ne peut pas aller au royaume de Dieu, Nicodème. C'est impossible. Appartenir à une religion ne te permet pas d'aller au royaume de Dieu. La condition, Nicodème, c'est de naître de nouveau. Ce n'est pas parce qu'on appartient à une religion. Ce n'est pas parce que tu es témoin de Jéhovah. Ce n'est pas parce que tu es pentecôtiste. Ce n'est pas parce que tu es catholique. Ce n'est pas parce que tu es protestant. Peu importe ta religion, Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il est impossible à cette personne d'aller au royaume de Dieu. Vous allez trouver des hommes qui sont enfermés dans leur religion. Moi, je suis catholique. En tout cas, mes grands-parents étaient protestants. Moi, je ne change pas de religion. Hein. Moi, je suis témoin de Jéhovah. Je ne suis pas là pour changer de religion. Moi, je suis pentecôtiste. Je suis de l'église céleste. Nous, on est sur la vérité. Vous, là, vous êtes dans le mensonge. Moi, je ne change pas de religion. Jésus ne parle pas de religion. Si un homme sur terre n'est pas né de nouveau, il ne peut pas aller au royaume de Dieu. Tu es du christianisme céleste. Tu es témoin de Jéhovah. Tu es protestant catholique. Est-ce que tu es né de nouveau? Regardez, vous allez remarquer que Jésus ne touche pas au judaïsme quand il parle à Nicodème. Jésus s'en fout de sa religion. Jésus ne lui dit pas que Nicodème, ton problème, c'est ta religion. Change de religion. Jésus ne lui dit pas change de religion. Change de religion. Ma soeur, mon frère catholique, ma soeur protestante, pentecôtiste, église céleste, témoin de Jéhovah. Je ne te dis pas de changer de religion. Garde ta religion. Mais je te pose une question. Est-ce que tu es né de nouveau? C'est la seule chose qui intéresse Jésus-Christ. Tu peux garder ta religion. Tu peux garder ta religion. Jésus ne touche pas à la religion de Nicodème. Jésus dit, Nicodème, si un homme n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut pas. Nicodème, tu vas à l'église, tu pries Dieu, parce que tu sais qu'un jour tu vas mourir, tu as envie d'aller au royaume de Dieu, tu veux que Dieu t'accueille. C'est pour ça que tu crois. Mais moi que Dieu a envoyé, je suis le fils de Dieu, c'est Dieu qui m'a envoyé pour venir vous dire la vérité. C'est moi qui est venu pour vous éclairer. Je te dis que sur terre ici, si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas aller au royaume de Dieu. Jésus n'a pas dit, ton problème c'est ta religion. Le conseil que je te donne, Nicodème, change. Change de religion. Change de religion. Non, Jésus s'en fout de nos religions. Jésus s'en fout de ta religion. Jésus ne touche pas à ta religion. Jésus veut que tu naisses de nouveau. Mais, comment faire pour naître de nouveau? Jean-Baptiste, lorsqu'il baptise les gens dans le Jourdain, qu'est-ce que Jean-Baptiste va dire aux croyants, aux gens qui venaient à lui? Moi, Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau. Mais celui-là, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est lui, c'est Jésus, c'est pas moi. Après, les gens sont venus le voir. Jean-Baptiste, tu es au courant? Tu as remarqué quelque chose? Les gens ne viennent plus vers toi. Tout le monde va à lui. Tu es au courant? Qu'est-ce que tu en penses? Jean-Baptiste dit, c'est normal. Il est normal qu'il croisse. Et que moi, je diminue. Que moi, je m'efface. Parce que c'est lui le Messie. C'est lui le Sauveur. Les prophètes nous ont parlé d'un Sauveur qui devait venir. C'est lui. C'est pas moi. Il est normal que les gens aillent à lui. Parce que même moi, Jean-Baptiste, je suis sauvé. Je suis sauvé par lui. Donc, il est normal que tout le monde aille à lui. Parce que c'est lui le Sauveur du monde. C'est lui le Sauveur. C'est lui. Nous avons le salut par lui. Allez là-bas, pas vers moi. C'est pourquoi un vrai homme de Dieu n'attire pas les regards vers lui. Un vrai homme de Dieu prêche la parole pour que les brebis, les fidèles, aient les yeux fixés sur Jésus. Parce que la réponse à tes problèmes viendra de Jésus, pas de l'homme de Dieu. Ce n'était qu'une parenthèse. Mais comment devenir enfant de Dieu? On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on appartient à une religion. Dans l'évangile de Jean au chapitre 8, on a vu des croyants du judaïsme qui ont dit à Jésus, nous sommes des enfants de Dieu. Et Jésus leur a dit, votre père c'est le diable, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'était des gens qui appartenaient à une religion. Comme toi aussi tu es catholique, comme toi aussi tu es protestant, tu es témoin de Jéhovah, tu es de l'église céleste, tu es mormon et les autres, tu appartiens à une religion. Comme ces gens-là aussi, dans ta religion, on lit la Bible. Comme ces gens-là aussi, dans ta religion, on fait des jeûnes et des prières, on adore Dieu, comme eux aussi. Mais ils n'étaient pas des enfants de Dieu. C'est la preuve qu'on peut appartenir à une religion, membre d'une religion, sans pour autant être enfant de Dieu. Comment faire pour devenir enfant de Dieu? Puisque ce n'est pas par l'appartenance à une religion. Mais on fait comment si on veut devenir enfant de Dieu? Ouvre bien les oreilles. Qui que tu sois, croyant ou pas croyant, tu appartiens à une religion ou pas, il n'y a qu'une seule condition à tout homme. Je dis bien tout homme, qu'il soit croyant ou pas. Une condition à remplir pour devenir enfant de Dieu. Cette condition se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 1. Jean chapitre 1. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on appartient à une religion. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on a été baptisé. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on donne des dîmes et des offrandes. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on adore la Vierge Marie. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on a les chapelets. La condition pour devenir enfant de Dieu se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 1. Ouvre ta Bible, l'évangile de Jean. Va lire tout le chapitre 1 et tu verras la condition pour nous les hommes, pour devenir enfant de Dieu. C'est bien marqué. Jean chapitre 1, verset 11, verset 12. La parole est venue au milieu de nous. Nous savons tous que la parole c'est Jésus. Et la Bible dit quoi quand vous lisez ce chapitre? Aux personnes qui ont reçu la parole, aux personnes qui croient en son nom, Dieu, la Bible dit, Dieu leur accorde le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu par un prêtre. Tu n'es pas enfant de Dieu par un pasteur. C'est Dieu, la Bible dit, c'est Dieu qui accorde à un homme le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est Dieu qui décide si tu dois être son enfant ou pas. Ce n'est pas l'affaire d'une religion. La Bible dit, à ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en Jésus, Dieu leur accorde le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est Dieu qui décide si tu dois être son enfant ou pas. C'est lui. Ce n'est pas une religion qui fait de toi un enfant de Dieu. La Bible ne le dit pas. La Bible ne dit pas celui qui sera baptisé sera enfant de Dieu. La Bible ne le dit pas. La Bible dit que celui qui reçoit Jésus et croit en lui, Dieu qui voit dans le secret, fera de toi son enfant. C'est lui qui décide. On n'impose pas les enfants à Dieu. Ce n'est pas le prêtre qui choisit. Bon, toi, tu vas être enfant de Dieu. Dieu est un Dieu responsable. Moi, j'ai des enfants. Personne ne peut m'imposer des enfants que je ne connais pas. C'est moi qui décide si je dois l'adopter ou pas. On ne me l'impose pas. Si tu m'amènes des enfants et que moi, je ne veux pas les reconnaître, je ne veux pas de ces enfants chez moi. Je vous dis, fous-moi le camp. Vous ne m'imposez pas des enfants. C'est moi qui décide si je dois les adopter ou pas. C'est Dieu lui-même qui décide qui doit être son enfant ou pas. Ce n'est pas le prêtre qui lui impose les gens comme enfants de Dieu. Ce n'est pas un pasteur. La Bible dit, Évangile de Jean au chapitre 1, celui qui reçoit Jésus et qui croit en lui, Dieu lui-même, qui regarde dans les cœurs, décide alors que celui-là, je l'accepte, c'est mon enfant. Ce n'est pas une religion qui lui impose qui que ce soit. Ce n'est pas un baptême qui lui impose quoi que ce soit. C'est lui-même. Celui qui croit en Jésus devient un enfant de Dieu. C'est ce qui est marqué. Croire en Jésus et le recevoir. Est-ce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? C'est celui qui croit en Jésus et le reçoit que Dieu accorde le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce que tu dois faire, toi qui m'écoutes, peut-être tu croyais que tu étais enfant de Dieu, comme les Juifs aussi, qui étaient des croyants comme toi, qui lisaient la même Bible que tu as. Ils ont dit à Jésus, mais nous on est pratiquants, on croit en Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Et pourtant ils n'étaient pas des enfants de Dieu, peut-être toi aussi. Ça fait 40 ans que tu es catholique. Tu es un ancien protestant, tu es ancien de l'église. Tu es diacre. Peut-être tu crois que tu es enfant de Dieu parce que tu as été baptisé, parce que tu es fidèle à l'église, parce que tu donnes des dîmes et des offrandes, parce que tu adores Dieu. Eux aussi, ils croyaient à cela. Et Jésus leur a dit, non, je ne dis pas que vous ne croyez pas en Dieu. Jésus leur dit, je ne dis pas que vous ne croyez pas en Dieu. Je ne dis pas que vous n'appartenez pas à une religion. Je ne dis pas que vous ne lisez pas la Bible. Mais moi, je vous dis que vous êtes dans l'erreur. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Pourquoi Jésus dit cela à des croyants? Parce que ces croyants-là n'avaient pas encore rempli la condition qu'on trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 1. C'est-à-dire que ces gens étaient pour Jésus, ils étaient dans l'erreur. Parce qu'ils croyaient qu'ils sont enfants de Dieu, parce qu'ils appartiennent à une religion. Nous avons sur terre des millions de personnes qui croient qu'ils sont enfants de Dieu parce qu'ils appartiennent à une religion. Eux aussi croyaient qu'ils étaient enfants de Dieu parce qu'ils prient. Eux aussi comme toi parce qu'ils lisaient la Bible. Eux aussi comme toi parce qu'ils croyaient en Dieu. Le fait que tu appartiens à une religion ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Il faut que tu reçoives Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel pour que Dieu t'accorde le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est Dieu qui décide qui doit être son enfant ou pas. On ne lui impose pas des enfants. Dieu doit voir si dans ton cœur, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel pour que lui, qui regarde, Dieu regarde les cœurs, pour que lui te dise, ah oui, celui-là, il a accepté Jésus, dans son cœur, j'ai vu qu'il est sincère. Alors, je lui accorde, je décide de faire de lui mon enfant. C'est Dieu qui choisit, on ne lui impose pas les enfants, ce n'est pas une religion qui impose des enfants à Dieu. Mais ces gens qui étaient en face de Jésus, c'était des religieux comme toi, ils croyaient à la Bible comme toi, ils invoquaient Dieu comme toi. Ils croyaient que parce qu'ils sont dans une religion, donc ils sont enfants de Dieu. Jésus leur dit non, une religion ne fait pas de vous des enfants de Dieu. Vous vous rendez compte? Ma mère, 50 ans de catholique, moi je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? C'est moi qui t'ai mis au monde. Moi je suis enfant de Dieu, ça fait 50 ans de catholique. Tu veux me dire quoi? Que moi je ne suis pas enfant de Dieu? Vous vous rendez compte? Beaucoup sont comme ça. Et quoi que, comme ils sont fidèles à leur religion, donc ils sont enfants de Dieu. comme ils lisent les chapelets, dont ils sont enfants de Dieu, comme ils prient la Vierge Marie, ces gens-là aussi, ils étaient des croyants comme toi. Ils allaient à la messe, ils allaient au temple. Ils n'étaient pas enfants de Dieu. Beaucoup sont dans l'ignorance. C'est la raison pour laquelle je vais finir par là. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, tu es catholique, témoin de Jéhovah, peu importe ta religion, je ne te dis pas de changer de religion. Je ne te dis pas de changer de religion. Jésus n'a pas dit à Nicodème, ton problème, c'est ta religion. Jésus n'a pas dit à Nicodème, Nicodème, change de religion. Jésus a dit à Nicodème, est-ce que tu es né de nouveau? Mon frère, ma soeur, je t'exhorte à entrer dans ta chambre. Je ne te dis pas de changer de religion. Jésus n'a rien à foutre. Il ne perd pas son temps avec nos religions. Jésus a dit, si un homme sur terre ici n'est pas né de nouveau, il ne peut pas aller au royaume de Dieu. Est-ce que Jésus ment? Nous savons que ce qui sort de la bouche de Jésus, c'est la vérité. La nouvelle naissance n'est pas donnée par un prêtre. La nouvelle naissance ne vient pas des mains d'un pasteur. Jean-Baptiste a dit, moi, je ne peux que vous faire le baptême d'eau. Mais lui, Jésus, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est pourquoi je t'exhorte, qui que tu sois, que tu appartiennes à une religion ou pas, entre dans ta chambre, ferme la porte, mets-toi à genoux et va ouvrir ta Bible à l'évangile de Jean au chapitre 1. Il faut que tu reçoives Jésus. Tu dois être à genoux. Tu dis, Seigneur Jésus, tu es mon sauveur. C'est toi qui es venu à la croix pour mes péchés. Seigneur, pardonne mes péchés. Je te reçois maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Quand tu vas le faire dans ta chambre, vous savez que Dieu voit partout, il entend tout. Dieu qui verra dans ton cœur que tu le fais sincèrement, depuis le ciel là-bas, t'accorde le pouvoir de devenir son enfant. Parce qu'il a vu que tu as fait ce qu'il attend de toi et que tu l'as fait de tout ton cœur. Alors il t'accorde. C'est Dieu qui t'accorde. C'est Dieu qui décide si tu es son enfant. Ce n'est pas une religion qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est Dieu lui-même qui décide si tu es son enfant, à condition de remplir, d'obéir à ce qu'il a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 1. C'est très important. Je ne te dis pas de quitter ta religion. Mets-toi à genoux, demande. La Bible dit que c'est celui qui reçoit Jésus que Dieu, depuis le ciel, accorde le statut, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas nos religions. Après ça, tu es toujours à genoux. Tu peux parler à Jésus en lui disant, Seigneur Jésus, je crois que tu es là. Parce que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec toi. Maintenant, tu peux dire, Père, maintenant que je suis ton enfant, puisque j'ai rempli la condition, tu as dit, Éternel, que quiconque reçoit Jésus et croit en lui, toi, tu fais de cette personne ton enfant. Maintenant, je suis ton enfant. Jésus a dit que si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas venir vers toi. Maintenant, Père, baptise-moi du Saint-Esprit. Baptise-moi du Saint-Esprit. Dieu peut te baptiser du Saint-Esprit dans ta chambre. Le Saint-Esprit ne vient pas d'un prêtre. Le Saint-Esprit ne vient pas d'un pasteur. Le Saint-Esprit vient des mains de Jésus. Et si tu es à genoux dans ta chambre, Jésus peut te baptiser du Saint-Esprit. C'est ce que j'avais à te dire. Donc, quand on te dit de recevoir Jésus, on ne te demande pas de changer de religion. Parce qu'il faut recevoir Jésus parce que Dieu le dit dans l'évangile de Jean au chapitre 1. À partir du moment où tu as déjà reçu Jésus, demande le Saint-Esprit à Dieu. Tu peux demander le Saint-Esprit à Dieu dans ta chambre. Parce que le Saint-Esprit vient de Dieu. Il ne vient pas d'un prêtre ou d'un pasteur. Il ne vient pas d'un homme. Il vient de Dieu. Demande le Saint-Esprit à Dieu. Et alors tu seras né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est la naissance de l'Esprit. Que Dieu te bénisse.